Bonjour, Cécile Plour, responsable de la bibliothèque de Beaulieu. Ma mission, c'est d'administrer cette bibliothèque de quartier. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper des gens en premier. Pour moi, c'est ma mission principale. Il faut s'occuper des collections, c'est-à-dire les livres, les CD, les DVD, etc. Et puis, il faut s'occuper du bâtiment aussi. Contrairement à la médiathèque où les collègues n'ont pas en charge le bâtiment, dans les bibliothèques de quartier, on a aussi cette responsabilité. Il faut faire le tour tous les matins, tous les soirs, voir s'il n'y a pas une fuite quelque part, une porte qui ne marche pas, des WC qui sont en panne. Ici, ça a ouvert en 2012. Avant, la bibliothèque était située dans le petit centre commercial de Beaulieu, où il y a maintenant l'atelier Passerelle. Et puis ici, c'était la maison de quartier qui était ici, qui à l'époque a brûlé. Et quand ils ont refait les locaux, la maison de quartier a été déplacée et ils ont proposé d'installer la bibliothèque ici. C'était un peu plus grand et surtout plus accessible, puisque là-bas, il y avait une salle d'animation qui était en sous-sol, sans fenêtre. Enfin, c'était pas, voilà. C'était pas très confortable pour personne. Donc ils ont tout refait et on y est très très bien. Il y a une proximité dans les bibliothèques de quartier qu'on a beaucoup moins à la médiathèque en centre-ville. Je parle d'expérience parce que j'ai travaillé 17 ans à la médiathèque en centre-ville, en section jeunesse, et puis ça fait à peu près 10 ans que je suis ici. Il y a une proximité très très importante qui nous sert, nous, en fait, dans la commande, par exemple, des documents qu'on fait. On pense aux gens à qui on va pouvoir proposer les documents. On pense à eux aussi quand on met en place nos animations, en disant qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens. La proximité, parce que souvent, on est les seules personnes que les gens vont voir dans la semaine, par exemple. Donc, il faut accepter de parler 5 minutes avec, avec une dame qui vit peut-être toute seule et qui va nous raconter quelque chose qui ne va pas forcément toujours nous intéresser, mais qui, pour elle, est important. Et puis, surtout, ça va être son seul lien social de la semaine. Il y a cette dimension sociale qu'on a vraiment mesurée au moment du Covid, puisqu'il y a beaucoup de gens seuls dans le quartier et il y a beaucoup de familles aussi monoparentales. Et on avait recensé justement certains lecteurs qui étaient un peu isolés pendant le Covid et on les a appelés individuellement pour prendre de leurs nouvelles, etc. Et donc ils étaient très touchés de ça parce que d'un seul coup, ils n'étaient pas anonymes, quoi. On pensait à eux. Donc ça, c'est important. On travaille beaucoup avec les structures du quartier. On reçoit les assistantes maternelles, donc des enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Vraiment des bébés, quoi, des tout petits. On les reçoit une fois tous les mois et demi à peu près. On reçoit la crèche, on reçoit la halte garderie, et puis après toutes les écoles du quartier. Donc oui, dès le plus jeune âge, il ne faut pas penser qu'il faut attendre que l'enfant sache lire pour l'emmener dans une bibliothèque. En fait, la manipulation, l'objet en lui-même, le livre, une fois que l'enfant est habitué à le manipuler, à savoir dans quel sens ça se prend, le moment de partage que ça représente aussi avec l'adulte qui va lui lire une histoire, tout ça, ça s'installe dès la toute petite enfance. C'est important. On travaille vraiment en étroite collaboration avec tous les enseignants du quartier. On reçoit toutes les classes du quartier, donc toute l'école Victor Hugo, toute l'école Jules Ferry, une partie de l'école des Marins. Puis on leur fixe des rendez-vous toutes les 5 à 6 semaines à peu près. Et ils viennent, ils passent une heure à chaque fois. Ils viennent, ils rapportent les documents qu'ils ont empruntés la fois précédente. Ils choisissent de nouveaux documents et il y a une animation à chaque fois qu'on essaye de varier. Donc une fois, ça va être un conte qu'on va raconter. Une fois un kamishibai, le petit théâtre japonais, une fois des diapositives numérisées, puisqu'on n'a plus le clic-clic de l'appareil à diapo, mais on a numérisé certaines histoires. Et puis ça peut être aussi une projection, ça peut être une animation musicale, enfin on essaye de diversifier. Alors en général, quand je dis aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, ils font « Oh !» Donc il faut vraiment croire en soi à ce moment-là. Et on leur dit, vous allez voir, c'est pas si mal que ça. Et puis en général, ça se passe plutôt bien et ils sont contents à la fin. Alors il faut vraiment bien choisir les histoires aussi. C'est un travail. Y en a une que j'aime bien, c'est La petite fille et le loup. Je suis une maman qui dit à sa petite fille, surtout tu ne sors pas de la maison le temps que je parte faire une course, parce qu'il y a le loup dans la forêt et si tu sors, il va te manger. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve une petite fleur dans le jardin. Elle s'ennuie un peu. Elle va cueillir la fleur et puis elle passe la barrière et elle prend une autre fleur, etc. Et elle se retrouve dans la forêt avec le loup. Et je ne vous en dis pas plus. Vous viendrez l'écouter à la bibliothèque. Et bien à la médiathèque, moi, j'étais affectée à la section jeunesse. Quand j'y suis arrivée en 98, j'ai découvert vraiment la littérature jeunesse parce qu'à part moi, à mon époque, à ma jeunesse à moi, il n'y avait pas une grosse production, c'était quand même assez limité. Et là, j'ai découvert vraiment un univers incroyable. Il y a des choses magnifiques qui sortent en littérature jeunesse. Donc j'ai adoré apprendre et découvrir cet univers-là. Et puis, mais c'était quand même assez spécialisé. Et ce qui me plaît ici, c'est qu'en fait, on est obligé de tout faire. C'est-à-dire, on va conseiller une maman qui cherche un livre pour son enfant qui n'aime pas lire. Et puis, deux minutes après, on va demander le dernier Goncourt. Et puis après, c'est la boulangère du coin qui cherche des illustrations pour faire une pièce montée. Et puis, une autre personne qui va arriver, qui ne parle pas bien français, qui va nous demander de l'aide pour, parce qu'il ne sait pas où aller pour un papier administratif. Enfin, voilà. C'est la diversité, en fait, qui est très plaisante. En y réfléchissant, j'en connais pas d'autres. C'est le seul endroit où on peut rentrer sans qu'on nous demande rien, qui est gratuit. Il n'y a pas de rapport marchand avec les gens. Ils nous connaissent parce qu'on est implanté vraiment dans le quartier. Donc, ils nous font confiance. Et donc, ils ne savent pas où aller. Ils viennent vers nous en premier. Voilà, ils passent la porte. Et puis, ils savent très bien que si ce n'est pas de notre sort, on va essayer de les diriger vers les structures adéquates. En fait, on a un budget commun pour les trois bibliothèques de la ville. Mais chacune des responsables des bibliothèques fait son choix dans les commandes. Qu'on choisit les livres qu'on veut commander en essayant de prendre en compte évidemment ce qui est acheté dans les deux autres bibliothèques pour éviter d'acheter des livres en double, en triple. Et puis on a un système de navette documentaire deux fois par semaine qui nous permet de faire circuler les collections en fait sur les trois bibliothèques. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut avoir de l'empathie. Alors, pas de l'empathie au sens émotionnel du terme, mais vraiment se mettre à la place d'eux pour comprendre ce que la personne qu'on a en face de nous recherche et pour essayer de tomber le plus juste possible. Donc, il faut être capable de conseiller des documents qu'on n'aime pas, mais on pense que cette personne va pouvoir les aimer. On a envie de dépoussiérer un peu l'image qu'on a des bibliothécaires. Souvent, les gens se demandent bien ce qu'on fait, quoi. On est là derrière notre banque de prêt, puis on attend les gens, quoi. Mais non, heureusement, c'est pas ça, notre travail. On a plein de choses à mettre en place. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans ? Beaucoup de choses. D'abord, l'arrivée du numérique, tous les contenus dématérialisés, qui ont quand même changé la donne. Mais il faut qu'on puisse proposer aussi des choses qui soient adaptées à notre époque. Donc, on propose aussi le tout apprendre, enfin, le bouquet des presses en ligne, etc. On a un conseiller numérique qui vient une fois tous les 15 jours, demi-journée. Ce sont des permanences gratuites et ouvertes à tout le monde. Les gens peuvent venir et poser des questions qui leur posent problème par rapport à leurs outils, c'est-à-dire portables, tablettes, nouveaux téléphones, ils ne savent pas comment l'utiliser. Il y avait une dame qui voulait installer WhatsApp, elle ne savait pas comment faire. Donc notre collègue, en fait, les prend en rendez-vous. Et ce qui marche bien, c'est le fait que ce soit sans rendez-vous. Ça veut dire quelquefois être obligé d'attendre un peu, mais les gens acceptent volontiers. Et puis, on a des ateliers numériques aussi, avec des thématiques différentes, pour aider les gens dans toutes ces nouvelles pratiques qui arrivent, enfin qui sont là. Alors, le premier travail, on parlait du bâtiment, c'est le bâtiment en premier. C'est-à-dire qu'il y a le petit rituel, on ouvre la porte et on fait le tour intérieur, extérieur, pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau du bâtiment. C'est comme la maison, on ouvre les volets, on allume les postes, voilà, on arrive dans notre deuxième maison. Et puis on commence à balayer un peu la journée qui va arriver avec ma collègue, on regarde ce qui nous attend. Et puis en général, ça commence par un accueil du groupe le matin. On est ferme au public, mais on accueille les groupes sur les temps de fermeture aussi. Notamment le matin, plutôt les petits, puisque l'après-midi, souvent ils font la sieste. Après, on fait tout le travail quotidien, c'est-à-dire mettre la presse en place, bulletiner nos revues, enfin voilà. Et puis après les commandes, et puis après tout le travail inhérent au bon fonctionnement de la bibliothèque. Les commandes, les statistiques, voilà. J'aime pas les chiffres, mais on en a quand même. Il y a un rapport aussi générationnel, c'est-à-dire que les CD sont plutôt empruntés par des gens qui ont mon âge ou plus. donc 50 et plus. Et les jeunes générations, les CD sont beaucoup moins empruntés parce qu'en fait, ils ont des abonnements sur des plateformes, tout simplement. Et puis pour les DVD, c'est un peu pareil, mais avec la petite différence que les dessins animés, par exemple chez les petits, ça sort encore pas mal en DVD quand même. Mais c'est les parents qui empruntent pour les enfants. On va dire les trois quarts des gens nous appellent par notre prénom. Et puis, ils sont très très fidèles aussi au niveau des animations. Par exemple, demain soir, on a une projection avec la réalisatrice qui vient. On va peut-être refuser du monde parce que les gens nous font confiance, en fait. J'allais dire peu importe ce qu'on propose, pas tout à fait quand même, mais presque. C'est-à-dire, il suffit qu'on leur en parle, qu'on leur dise vraiment, là, ça vaut le coup, c'est vraiment bien. Ils viennent, ils sont vraiment fidèles. Donc nous, les animations, on est fermé le samedi. C'est une bibliothèque qui est ouverte du lundi au vendredi. Donc les animations qu'on propose pour les adultes se font le vendredi soir, sur un créneau 6h15, sortie de travail pour les actifs, et puis pas trop tard pour les retraités. Et vraiment, ils sont présents, quoi, et ils sont demandeurs. Quelquefois, on travaille avec un système de cycles et de thématiques sur l'ensemble du réseau, des bibliothèques, comme là, il y a eu tout un cycle autour des Amérindiens. Mais quelquefois, il y a des animations comme celle de demain soir, qui sont vraiment propres à la bibliothèque de Beaulieu, en l'occurrence. Voilà. Alors, on est très sollicités, on reçoit tout un tas de gens qui nous envoient, en fait, aussi, quand ils écrivent un livre, quand ils ont une actualité, qui nous l'envoient par mail, très souvent. Ou alors une connaissance, un lecteur ou une lectrice qui nous dit « Tiens, ma petite nièce, elle a eu cette expérience-là, elle écrit un livre, est-ce qu'éventuellement elle pourrait venir en parler ?» Voilà. C'est souvent comme ça que ça se fait. Les bibliothèques de quartier sont un maillon, c'est pas très joli comme formule, importante de la culture, parce que c'est la porte d'entrée en fait pour beaucoup de familles qui n'oseraient pas passer la porte d'une bibliothèque. Par le biais des écoles notamment, on arrive quand même à rentrer dans les familles, j'allais dire. Les livres, ils passent par l'école, donc c'est un peu validé par le maître ou la maîtresse, et c'est notre porte d'entrée en fait. Donc oui, c'est très important, oui, vraiment. Et puis c'est gratuit, on le répète beaucoup. C'est gratuit jusqu'à 18 ans, les bibliothèques, venez. Voilà, on travaille beaucoup dans ce sens-là et les enseignants relaient beaucoup auprès des familles. Vu mon grand âge et ma grande expérience, je commence à voir arriver des enfants que j'ai vus tout petits qui eux-mêmes sont parents aujourd'hui et qui du coup emmènent leurs enfants à la bibliothèque. Ils me disent « Ah, je me souviens quand vous nous racontiez des histoires !» Donc je me dis que bon, on a dû semer un petit quelque chose quand même. Donc ça, c'est agréable d'avoir ce retour-là. Chaque fois qu'on se déplace, même à l'étranger, s'il y a une bibliothèque pas loin, je vais voir ce qui s'y passe. Je vais voir ce qui s'y passe au niveau de l'agencement, au niveau des collections. Quelquefois, il m'est arrivé de discuter aussi avec des gens qui travaillent pour savoir comment ça se passe, voilà, échanger un petit peu. Et c'est toujours très constructif, en fait. D'abord, ça permet, nous, de nous remettre en question sur certains fonctionnements. Et puis, ça permet aussi de se rendre compte que finalement, on n'est pas si mal. Moi, j'aimerais bien faire un endroit, vraiment un endroit un peu cosy, où les gens pourraient s'installer de façon un peu chaleureuse, prendre un café, voilà, vraiment comme un petit salon où les gens pourraient se poser. Alors, à Châtelaillon, à côté de La Rochelle, il y a carrément, on rentre dans la petite bibliothèque et il y a une cafétéria à l'entrée, avec le coin presse. Et après, on rentre dans la partie avec les romans, etc. Mais premier accueil, c'est une petite cafétéria. Et ils ont décoré ça de façon super jolie, en plus. Dans la thématique du voyage, avec des valises accrochées au mur. Enfin, c'est très très beau, vraiment. Et ça donne envie de s'y poser. Pour être bibliothécaire, à mon avis, il faut être curieux déjà. Il faut se tenir au courant de l'actualité, parce que y a beaucoup de gens qui vont arriver avec des demandes qui ne sont pas toujours très précises. Ah ben j'ai entendu, alors c'est un livre, je crois que ça se passe pendant la guerre, mais je ne sais pas trop laquelle, y a l'auteur, je ne m'en souviens pas. Bon, bref, quelquefois ils vont donner un petit indice qui va faire écho à peut-être un article que nous on a lu ou une émission qu'on a vue. Mais si on ne se tient pas au courant de l'actualité, on va être embêté quand même. Donc être curieux. Je trouve que c'est important et puis que si ça n'existait pas, ce serait très très compliqué justement pour des populations qui sont loin par exemple de la culture, d'avoir accès à la culture. Si c'était uniquement par le biais du cinéma ou du théâtre, alors que j'adore, hein, mais qui sont des lieux payants, eh bien, il y a plein de gens qui ne pourraient pas bénéficier de ça. Donc oui, le service public, c'est important. Rendre le service à la population. Beaulieu, c'est un gros village, je dirais. C'est rigolo, il y a des gens qui sont là depuis vraiment la construction du quartier, quasiment. Alors, beaucoup de petites mamies, je le dis sans c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, qui sont là depuis le début, qui ont leurs habitudes, qui ont le club de cartes le jeudi après-midi, qui ont leurs habitudes vraiment ici. Et puis, il y a des familles, il y a une grosse mixité encore, quand même, dans ce quartier. Des familles qui viennent de tous horizons. Tout le monde cohabite. C'est un gros village, exactement. D'abord, c'est pas très étendu, hein, géographiquement, en fait. On a vite fait le tour du quartier, j'allais dire. Et puis, les gens se connaissent. Il y a quand même des... Il y a l'aire de jeu. Les enfants se retrouvent sur l'aire de jeu. Ils se rencontrent à l'école ou ils vont au centre socio-culturel parce qu'il y a des activités qui sont proposées. Donc, il y a toujours un moment donné où on va croiser le voisin, quoi. À la bibliothèque. On dit souvent les quartiers, alors comme si c'était un peu Chicago quand même. Bon, au début, on y va un petit pas, on se dit où est-ce que je mets les pieds, tout ça, mais j'ai jamais eu de problème ici en fait. Je pense que dans la mesure où on est bien identifié aussi par les gens du quartier, ils savent qui on est, ils savent ce qu'on fait ici. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses à la médiathèque, j'ai adoré travailler là-bas. Mais la proximité avec les gens, on l'a de moins en moins. Les gens ont beaucoup plus de choix, il y a plus d'animation, il y a plus de documents, mais il y a moins d'interactions quand même au quotidien. Ici, on a un automate de prêt, donc les gens peuvent être autonomes s'ils veulent pour faire leurs emprunts, leur retour de documents, mais très honnêtement, il est peu utilisé. Parce qu'en fait, si les gens viennent ici, c'est aussi pour avoir un contact avec nous. Pour pouvoir parler, pour pouvoir dire « celui-là, ce bouquin-là, j'ai bien aimé, est-ce qu'il y a quelque chose dans le même genre ?» On est très, très sollicité pour donner des conseils, énormément. Peut-être ils osent moins le faire dans une structure plus grande, quoi. Les gens peuvent s'installer, il y a un petit coin aussi où les gens peuvent venir travailler, se connecter, du Wi-Fi, enfin bref. Et ça se développe aussi. Les gens qui viennent utiliser le lieu, en fait, pour y trouver un peu de calme. Parce que y a aussi beaucoup de gens qui vivent dans les immeubles autour et qui sont dans des familles où il y a beaucoup de vie. Et donc, c'est compliqué de s'isoler pour travailler au calme. Donc, les périodes d'examen, là, ça y est, on va commencer à voir arriver des jeunes qui viennent travailler ici. En fait. Tout est gratuit. Toutes les animations du réseau sont gratuites. Adultes comme enfants, il n'y a même pas besoin d'être inscrit en fait, au réseau des bibliothèques pour participer aux animations. N'importe qui, même quelqu'un de passage, peut venir assister à une animation qui est proposée. Quelquefois, on est sollicité par certaines associations qui viennent aussi présenter leur action quand c'est en lien avec un film qui porte une thématique particulière. On essaie de mettre ça en lien avec une projection. Ça fait un ciné-débat, en fait. Oui, c'est bien. Et le fait d'avoir une petite jauge facilite les échanges aussi. Et là, c'est un peu la famille élargie, j'allais dire. Les gens se connaissent parce qu'ils viennent de façon régulière, donc même s'ils ne se parlent pas, ils se connaissent quand même, de vue. Et donc c'est peut-être moins intimidant de prendre la parole dans ce contexte-là. Ça reste un lieu intimidant, en fait. Il y a plein de gens qui pensent que les bibliothèques ne sont pas faites pour eux. Parce que bibliothèque égale lecture, égale... peut-être un peu école aussi. La bibliothèque comme un lieu de loisir, c'est encore pas ancré dans tous les esprits. Oui, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Passez la porte, vous ne serez pas déçus, il y a forcément quelque chose pour vous. Merci, au revoir.